بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous sommes arrivés à la sourate Al-Ma'un. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين. Donc le premier verset dit أرأيت. Donc encore une fois, ça s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu dis à quelqu'un « Ara'aita », tu t'adresses à une personne. « As-tu vu ?»« Ara'aita »« As-tu vu ?»« Allazi » celui qui « Yukadzibu »« Yukadzibu » c'est-à-dire qui dément. Donc « Kazaba » c'est mentir. « Kazaba » c'est traiter l'autre de menteur. Donc « Kazaba » je dis « Kazaba » c'est dire quelque chose qui est faux. « Kazaba » c'est dire de quelqu'un qui dit quelque chose de faux. Donc « Démentir ». Ara'aita alladhi yukadhibu bid-din, donc qui dément al-din. Al-din ici veut dire al-jaza, c'est-à-dire le al-hisab, la rétribution. Donc as-tu vu celui qui dément la rétribution? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Fadhalika, c'est-à-dire celui-là, c'est celui qui yad'u al-yatim. Da'a, ça veut dire pousser fortement. Comme dans le verset surat al-Qamar, يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا. Le jour où ils seront يُدَعُونَ, où ils seront poussés vers le feu de l'enfer. C'est le même verbe. Donc il y a deux ul-yatim qui repoussent l'orphelin. Al-yatim, l'orphelin, donc c'est un enfant dont le père est mort quand il était encore enfant. C'est ça qu'on appelle yatim, un orphelin. وَلَا يَحُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ. Hadda, ça veut dire encourager. Donc, wala yahuddu, il n'encourage pas, ala ta'am il miskin, yani ala it'am il miskin, à donner à manger aux pauvres. Fawailun lil musallin. Donc, wailun, on avait déjà vu, ça signifie malheur. Malheur aux prieurs. Malheur aux prieurs, al musallin. Au singulier Moussalli, au pluriel Moussalloun ou Moussallin, ça dépend comment il est placé dans la phrase. Donc malheur aux prieurs, alladhina hum an salatihim sahun. Alladhina, ceux qui an salatihim sahun. Vis-à-vis de leur prière, sahun. Ils sont sahun. Ils font sahou. Sahou, c'est-à-dire l'insouciance, la négligence. Donc ils sont insouciants, qui sont négligents vis-à-vis de leur prière. الذين هم يراؤون. Ceux qui يراؤون, du verbe raa, raa en quatre lettres. Raa qui veut raa au mudari' yura'i. Bien sûr, la racine, ça veut dire raa. Raa, ça veut dire voir. Raa, c'est se faire voir. C'est-à-dire faire de l'ostentation, chercher à se faire voir. Donc ceux qui cherchent à se faire voir, ويمنعون الماعون. Et qui ne donnent pas, donc mana'a. Le verbe mana'a en arabe, c'est le contraire de a'ta. A'ta, c'est donner. Mana'a, c'est garder, retenir, priver. Donc interdire aussi, ça peut être mana'a. Mana'a, ça peut être aussi interdit. Mais à la base, mana'a, il veut dire retenir quelque chose. Ils retiennent al-ma'un. C'est-à-dire, ils ne veulent pas donner al-ma'un. Al-ma'un, on va voir ce que ça veut dire après. Donc on lit le tafsir du Cheikh Sa'di, rahimahullah. يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده. Donc il dit, Allah dit, pour blâmer ceux qui délaissent ses droits, qui délaissent les droits d'Allah, c'est-à-dire d'obéir à Allah, et qui délaissent les droits de ses serviteurs, de ses créatures. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالبعث والجزاء فلا يؤمن بما جاءت به الرسل. Donc as-tu vu celui qui dément Ad-din, c'est-à-dire la résurrection et la rétribution. Donc Ad-din veut dire la rétribution. Et la rétribution, elle implique la résurrection. Donc quand, ce qu'on appelle Ad-din, ça signifie le fait qu'Allah va faire revivre les morts, il va les juger et il va les récompenser ou il va les punir selon ce qu'ils ont fait. Ça s'appelle Ad-din. Et l'autre sens du mot din, c'est, comme on va le voir dans la sourate Al-Kafirun, c'est la religion. C'est-à-dire les œuvres de l'être humain. Donc, as-tu vu celui qui dément la résurrection, qui dément la rétribution et qui donc ne croit pas à ce avec quoi sont venus les messagers, c'est-à-dire qu'il ne croit pas au message des messagers. فذلك الذي يدعو اليتيم أي يدفعه بعنف وشدة ولا يرحمه لقساوة قلبه ولأنه لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا. Donc c'est celui qui repousse l'orphelin, c'est-à-dire qui le repousse avec dureté et violence. C'est le sens de da'a. Et il ne lui fait aucune miséricorde, parce que son cœur est dur, et parce qu'il n'espère ni récompense et ne craint pas de châtiment. Donc celui-là qui dément la vie future, qui dément la résurrection des morts, qui dément le jugement dernier, eh bien c'est celui-là même que tu verras repousser l'orphelin et être dur envers l'orphelin et n'avoir aucune clémence envers l'orphelin. Pourquoi? Parce qu'il n'espère aucune résurrection, il n'espère aucune récompense et ne craint aucune punition. Donc ça, bien sûr, c'est la base. C'est-à-dire la base, c'est que celui qui ne croit pas à la vie future, eh bien, ça, cette croyance, elle implique de lui qu'il ne voit ni bien ni mal. Et que son cœur est dur et qu'il n'a aucune pitié, aucune clémence envers les gens. Et donc ça signifie que si jamais un croyant, quelqu'un qui croit en l'au-delà, il est comme ça, ben c'est qu'il ressemble à ceux qui ne croient pas en l'au-delà. Donc ça fait partie des sifat, des caractéristiques de ceux qui ne croient pas en l'au-delà. D'être dur envers les orphelins, c'est-à-dire d'avoir le cœur dur, de ne pas avoir de clémence, d'être sans pitié, d'être cruel. Ça, c'est une caractéristique de celui qui dément la résurrection. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui démentent la résurrection sont ainsi. Parfois, on peut voir des gens qui démentent la résurrection, mais ils ne sont pas comme ça. Pourquoi? Parce que leur nature humaine les pousse à être, par exemple, gentils ou à respecter le droit des gens, etc. Mais la base, le principe de base, c'est ça, c'est que celui qui ne croit pas à la résurrection, ben, il va être de cette façon. Et donc celui qui croit à la résurrection et qui est comme ça, ben, ça veut dire que sa foi, elle n'est pas complète, elle n'est pas correcte, et qu'il ressemble aux gens qui ne croient pas à la résurrection. Wala yahuddu ala, ay wala yahuddu ghayrahu ala ta'am al-miskin, wa min babi awla, annahu bi nafsihi la yut'imu al-miskin. Donc il n'encourage pas autrui à nourrir les pauvres. Et donc le cheikh il dit, donc a fortiori, lui-même il ne nourrit pas les pauvres. Donc cet individu qui est décrit dans ce type d'individu qui est décrit dans cette sourate, c'est quelqu'un qui n'encourage pas les autres à nourrir les pauvres. Donc s'il n'encourage pas les autres à nourrir les pauvres, c'est déjà que lui, il ne nourrit pas les pauvres. Donc qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que le croyant, celui qui croit au jour dernier, il doit non seulement nourrir les pauvres, il doit être généreux, et en plus il doit normalement recommander aux gens de nourrir les pauvres. Il doit encourager les autres à faire des aumônes, à faire des sadaqat. فويل للمصلين أي الملتزمون لإقامة الصلاة ولكنهم عن صلاتهم ساهون أي مضيعون لها تاركون لوقتها مفوتون لأركانها وهذا لعدم اهتمامهم بأمر الله حيث ضيعوا الصلاة التي هي أهم الطاعات وأفضل القربات والسهو عن الصلاة هو الذي يستحق صاحبه الذم واللوم. Donc le verset suivant dit فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Donc malheur aux prieurs, à ceux qui font la salah. C'est-à-dire ceux qui déjà, et le cheikh il dit هُمْ مُلْتَزِمُونَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ, ça veut dire déjà eux, ils sont engagés dans l'accomplissement de la prière. Ça ne parle pas de ceux qui ne prient pas. Ça parle déjà de ceux qui prient, qui font la prière. Et Allah a dit Wailun. Donc Wailun, le cheikh ici n'a pas détaillé plus, mais Wailun, ça veut dire, quand tu dis Wailun li foulen, malheur à un tel. C'est une menace. Mais Wailun, c'est également un fleuve qui est en enfer et qui est composé du pu des habitants de l'enfer. Donc ça veut dire qu'ils devront boire ça. Ce sera leur châtiment, leur punition. Donc malheur à ceux qui prient, mais alladhinahum an salatihim sahun, mais qui sont sahun. Sahun, c'est-à-dire négligents vis-à-vis de leur prière. Donc sahun, le cheikh il dit ici, c'est-à-dire que mudayyi'un laha, ils sont négligents vis-à-vis de la prière, c'est-à-dire qu'ils ne la font pas correctement. Tarikuna li waqtiha, ils délaissent les horaires de la prière, c'est-à-dire qu'ils ne font pas chaque prière à son horaire. Mufawituna li arkaniha, et ils négligent les piliers de la prière. Arkanus salah, qu'est-ce que c'est les piliers de la prière? C'est par exemple le fait de faire le rukou' complètement et de rester un minimum en rukou'. Le fait de faire le sujoud complètement et de rester un minimum en sujoud. Quand on se relève du rukou', sami Allahu liman hamida, on est censé rester un moment debout, un minimum de temps. Donc, an salatihim sa'un, c'est celui par exemple qui se prosterne sans poser ses mains et ses pieds par terre. Par exemple, il pose ses mains et sa tête, mais il ne pose pas ses pieds. Ou alors il pose son front, mais il ne pose pas son nez. Donc il ne fait pas le sujoud correctement. Ou alors il fait le sujoud correctement, mais il se relève tout de suite. Il n'a même pas le temps de dire Subhana Rabbi al-A'la. Donc celui-là, il n'a pas fait un rukn. Il a négligé et il a mal fait un des piliers de la prière. Un des piliers, c'est-à-dire une des choses fondamentales de la prière. Donc je rappelle, dans la prière, on a des shurut. La prière, elle a des shurut. Shurut, c'est le pluriel de shart, ça veut dire des conditions. La prière, elle a des conditions. Qu'est-ce qu'on appelle des conditions? C'est les choses qu'on doit respecter, sinon la prière, elle n'est pas valable. Mais qui sont avant la prière. Donc, par exemple, couvrir son corps. Donc, pour l'homme, du nombril jusqu'au genou. C'est avant la prière qu'il le fait. Et la femme, elle se couvre tout entier, à part le visage et les mains, pour la salat. Se tourner vers la Qibla, ça c'est une shurut is-salah, c'est une condition de la prière. Mais c'est avant la prière, c'est pas pendant la prière. C'est pour ça qu'on dit une condition, on ne dit pas un pilier. Allah a'lam, ça c'est un sujet un peu... Vaut mieux qu'elle le fasse, pour éviter toute divergence. On devrait dire vaut mieux qu'elle le fasse. Le fait de se tourner vers la Qibla, et d'autres choses parmi les conditions de la prière. Et arkanu salah, c'est comme les shurut. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, ta prière n'est pas valable, mais c'est dans la prière. Donc le premier rukn de la prière, qu'est-ce que c'est? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Si on ne dit pas sur Allahu akbar au début, la prière n'est même pas enclenchée en fait. On n'est même pas entré dedans. La récitation de surat al-fatiha. Le rukwa. Et le fait de rester un certain temps dans l'inclinaison. Se relever du recours et rester un certain temps quand on s'est relevé du recours. Pareil, la prosternation. Rester un certain temps en prosternation et s'asseoir entre les deux prosternations. Tout ça, c'est des arcanes. C'est-à-dire que celui qui fait, par exemple, le sujoud, il se relève et tout de suite après, il refait l'autre sujoud, sa prière n'est pas valable. Il doit rester au moins le temps de dire « Rabbi refireli ». Maintenant, s'il ne dit pas « Rabbi refireli », est-ce que sa prière elle est bonne ou pas? Ça, c'est une autre question. C'est la question des wajibat. C'est quoi les wajibat? C'est les obligations de la prière. Alors, c'est quoi la différence entre les piliers et les obligations? Les obligations, c'est des choses que tu es obligé de faire. En l'occurrence, tu es obligé de dire, parce que la plupart, c'est des paroles. Les wajibat, la plupart, c'est des paroles, c'est pas des actes. Mais si jamais tu les oublies, la prière est quand même valable. Et tu rattrapes avec sujoud sahou. Ça, c'est chez l'imam Ahmed. Maintenant, chez Abu Hanifa, Malik et Al-Shafi'i, les trois autres grands imams, tous ces afkar que l'imam Ahmed, il oblige, et ils les considèrent comme des wajibat, eux ils les considèrent comme des sunan, des mustahabbat. C'est-à-dire par exemple pour l'imam Malik, si tu fais le sujoud et tu dis rien, c'est bon. Tant que tu es resté un certain temps en sujoud. Si tu te relèves, Allahu Akbar, et tu t'assois entre les deux prosternations, même si tu dis rien, c'est bon. Pour l'imam Ahmed, si tu te relèves du sujoud et quand tu es comme ça, tu dis rien et tu le fais exprès, la prière n'est pas valable. La différence, elle est grande. Et si tu as oublié de dire Rabbir Firili, tu fais deux prosternations à la fin. Alors que pour l'imam Malik, si tu as oublié de dire Rabbir Firili, c'est bien de faire Sajdatay, les deux prosternations, mais c'est pas obligé. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que les piliers, c'est assez clair. Les wajibat, Bon, il y a une grosse divergence entre l'imam Ahmed et les autres, mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'on retient? C'est qu'il faut l'apprendre tout ça. Il faut lire et il faut apprendre ces choses-là. Si on ne dit pas Allah Akbar, par exemple, si on fait les autres. Ben voilà, le takbir c'est pareil. Le takbir, à part takbiratul ihram, Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, eux ils considèrent que toutes les takbirat c'est des sunnah, c'est mustahab. C'est-à-dire que tu peux faire toute ta prière sans rien dire en fait, à part réciter le Fatiha. Et pour l'imam Ahmed, non, c'est wajib. C'est-à-dire si tu fais exprès de ne pas dire Allahu Akbar un seul, quand tu te prosternes, la prière elle est batila. Et si tu l'oublies, tu fais sujoud de sahw. Quand on est derrière l'imam en fait, parce que je suis derrière la prière, il va vite. Il va vraiment vite. On est obligé de le suivre. Ça dépend qu'est-ce que tu appelles vite. Il faut qu'il laisse au moins le temps de faire le chaque pilier. Ça, des fois c'est vite. Je ne dis pas ceux qui sont habitués, des habituels, non, mais des fois il y a des personnes qui dirigent la prière. Bah, généralement le soujoud il n'y a pas de problème, pourquoi il n'y a pas de problème. Non, la fatiha ça c'est rien, parce que la fatiha c'est l'imam qui en est responsable. C'est l'imam qui doit rester la fatiha pour tout le monde. Le temps de poser, de se poser, il serait déjà et tout. Ah non, bah, s'il fait ça, toi tu te prosternes et tu dis au moins une fois Subhana Rabbi al-A'la. Faut pas faire ça et dès qu'il y a Allah Akbar tu te relèves. Non, sinon là ta prière sera pas bonne. Il faut que tu dises au moins Subhana Rabbi al-A'la. Mais bien sûr, l'erreur, elle vient de lui. Celui qui fait ça, c'est lui le fautif. Non. Ouais, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est-à-dire, chez dans le Madhhab Maliki, quand l'imam il récite, déjà si c'est Salat Jahriya, il faut pas réciter. Pour le même mot. Pas chez le Malikia. Malikia, non. Non, le Malikia, eux, ils sont d'avis que. De toute façon, ça, c'est Jumhur al-Fuqaha. Jumhur al-Fuqaha, ils disent comme il dit le Coran. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. Donc, ils disent ça, c'est vrai aussi pour Surat al-Fatiha. Quand l'imam il récite dans Al-Fajr, Al-Maghrib, Al-Isha, Al-Jumu'a, Al-Aïd, à voix haute, nous on écoute, on n'a rien à dire. C'est juste l'imam Shafi'i, lui il dit, même le ma'moum, il doit la réciter même dans, quand c'est à voix haute. Et là, la plupart des chouyouch d'Arabie Saoudite à notre époque, ils ont cet avis-là, l'avis de l'imam Shafi'i. C'est pour ça que cet avis s'est répandu en fait, chez les gens. Mais l'avis de Jumu'ur, c'est que quand l'imam il reste à voix haute, j'ai rien à dire. Quand il récite à voix basse, je dis la fatiha, mais si je n'ai pas eu le temps de la dire, ce n'est pas grave. Parce que c'est lui le responsable. Donc s'il dit Allahu Akbar, je n'ai pas eu le temps de réciter la fatiha, ce n'est pas grave. Ça ne doit pas vous perturber. Par contre, s'il fait recours et j'ai le temps juste de faire ça et de me relever, non, là c'est pas bon. Il faut que je dise au moins une fois, Subhana Rabbi al-Azim. C'est pour ça qu'il dit combien de fois? Trois fois. Trois fois et plus. Mais il faut que je dise au moins une fois pour que la prière elle soit valable. Après, si vraiment je fais ça, je dis Subhana Rabbi al-A'la, lui est déjà relevé et il est déjà parti en soujoud, bon ben là, il faut le virer. Il faut tout faire pour faire la prière, il faut tout faire. Parce que c'est lui le fautif à ce moment-là. Parce qu'il doit laisser le temps. L'imam, comment il doit faire la prière à l'imam? Il doit la faire à la fois courte. Comme Anas ibn Malik il disait à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bima'na al-hadith, il disait qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam, aqsar an-nasi salatan fi itmam. Il disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne dont la prière était la plus courte, tout en étant complète. Donc ça veut dire que celui qui est derrière, il doit avoir le temps de faire toutes les sunnah, tout ce qui est pas obligé, il doit avoir le temps de le faire. Par exemple, dire trois fois Subhana Rabbi al-A'la, il doit avoir le temps de le dire. Subhana Rabbi al-Azim, trois fois. Al-Tahiyyat, il doit avoir le temps de le dire jusqu'au bout. À la fin de la salat, il doit avoir le temps de dire Tashahhud, Salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Al-Isti'adha, Al-Du'a, toutes les grandes choses, les nombreuses choses qu'on dit avant de dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il doit lui laisser le temps de réciter la Fatiha. Voilà, c'est comme ça que l'imam il doit faire. Et une fois qu'il a fait ça, il évite d'allonger. Il n'allonge pas trop. Bon, on revient au tafsir pour avancer. Donc il a expliqué, ça veut dire qu'il néglige la prière Donc ils négligent les piliers de la prière, les obligations de la prière, ou alors ils ne font pas la prière à l'heure. Donc toutes ces explications, elles ont été rapportées des Sahaba. Il y a des Sahaba, ils disaient, An salatihim sahun, c'est-à-dire, lahum rafilun. C'est-à-dire, ils n'ont pas d'importance à la prière. Ils négligent la prière. D'autres, ils disaient, ça veut dire, tarikun ali awqatihim. D'autres compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient, An salatihim sahun, ça veut dire qu'ils ne font pas la prière à l'heure. Donc toutes ces explications-là, elles sont vraies, elles tournent autour de ce mot. Sahun. Donc il dit, parce qu'ils ne donnent pas d'importance à l'ordre d'Allah. Et donc ils ont négligé la prière, qui est l'acte ta'a, l'acte d'obéissance la plus importante qu'on accomplit envers Allah. C'est l'ibada la plus importante. Après il a dit, il a expliqué qu'il faut faire la différence entre as-sahu an as-salah et as-sahu fi as-salah. Négliger la prière, c'est le même mot, on dit as-sahu, la négligence, mais an, c'est pas la même. La harf, c'est-à-dire la préposition. An as-salah. Ça veut dire négliger la prière. Mais si je dis as-sahu fi salah, dans la prière, là ça veut dire faire un oubli dans la prière. Et il dit ça, si quelqu'un le fait, c'est pas blâmable. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ça lui est arrivé. Donc à plusieurs occasions, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des oublis dans sa prière. Par exemple, un jour, il a fait deux raka'a dans la prière du dhuhr. Et il a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a même des gens, ils sont sortis et ils se disaient les uns aux autres, la prière a été raccourcie. C'est-à-dire, ils ont cru qu'Allah il avait changé, il avait révélé que la prière maintenant était de deux raka'at. Et quand le prophète, pour la parenthèse, on va raconter le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après il s'est accoudé sur un morceau de bois et il avait l'air en colère. Et Abu Bakr et Omar, ils étaient là et personne n'a osé lui dire. Et un homme qui avait tellement des grandes mains qu'on l'appelait Voliadein, l'homme aux deux mains. Il s'est levé et lui a dit, Ya Rasulallah, aqasurati salah am nasit. Il a dit, ô messager d'Allah, est-ce que la prière a été raccourcie ou c'est toi qui as oublié? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Lam tuqsar wa lam ansa. Elle n'a ni été raccourcie ni j'ai oublié. Et lui il a insisté. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux autres, est-ce qu'il a raison? Ils ont dit oui, c'est vrai, tu as fait que deux raka'a. Alors il s'est levé, il a fait deux autres raka'a et ils ont fait ensuite deux prosternations pour compenser le tout. Donc faire un oubli dans la prière, ça c'est pas blâmable, sauf si c'est trop souvent. Si c'est trop souvent, ça montre que la personne n'est pas concentrée. وَلِهَذَا وَصَفَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ بِالرِّيَاءِ وَالْقَصْوَةِ وَعَدَمِ الرَّحْمَةِ فَقَالَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ أي يعملون الأعمال لأجل رياء الناس. Il dit c'est pourquoi, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de dire, c'est pour ça qu'Allah les a qualifiés de ria, de faire de l'ostentation, d'être dur et de ne pas avoir de miséricorde. Donc il a dit الذين هم يراءون, c'est-à-dire ceux qui font des œuvres, des actions pour que les gens les voient. Donc celui qui ne donne pas d'importance à la prière, celui qui est sahi par rapport à la prière, lui, la plupart du temps, ce qui prévaut dans sa prière, c'est qu'il prie pour les gens. Il prie plus pour les gens que pour Allah. Et d'ailleurs, dans le tafsir de la sourate, ce qui est rapporté, c'est que certains salafs, ils disaient, ça parle de celui qui, si jamais il rate une prière, ça lui fait rien du tout. S'il rate la prière, l'heure, elle est passée, ça lui fait rien. C'est-à-dire que la prière, pour lui, c'est quelque chose, c'est comme une habitude, c'est pas très grave, et il l'a fait surtout pour les gens. ويمنعون الماعون et ils gardent, c'est-à-dire ils ne veulent pas donner الماعون. Alors là qu'est-ce que ça veut dire الماعون? أي يمنعون إعطاء الشيء الذي لا يضر إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة كالإناء والدلو والفأس ونحو ذلك مما جرت العادة ببذلها والسماحة به. Alors et ils ne veulent pas donner الماعون. Il dit, ça veut dire qu'ils ne veulent pas donner les choses qui, quand on les donne, ça ne te cause pas de mal. C'est-à-dire les choses que tu peux donner sans que ce soit un sacrifice. Soit en les prêtant, soit en les donnant. Alors il a donné des exemples comme la vaisselle, ou comme un seau pour aller chercher de l'eau, ou une hache, etc. Et autres, que les gens ont l'habitude de donner sans trop regarder. En fait, Al-Ma'oun, l'imam Tabari, quand il a expliqué cette sourate, il a expliqué que Al-Ma'oun, à la base en arabe, ça veut dire toute chose qui est utile, toute chose qui a un bien. On appelle ça Al-Ma'oun. Et ensuite, il a expliqué qu'est-ce que les sahaba ont dit sur le mot Al-Ma'oun dans cette sourate. Qu'est-ce que ça veut dire, Yamna'oun Al-Ma'oun? Donc, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il disait Yamna'oun Al-Zakah. Il disait, ils ne veulent pas donner le Ma'oun, ça veut dire qu'ils ne veulent pas donner la zakat. D'autres, ils disaient, ça veut dire qu'ils ne veulent pas donner leur bien, ils ne veulent pas donner leur argent. Et Abdullah ibn Mas'ud, lui, il disait, ça veut dire qu'ils ne veulent pas donner ce que les gens se prêtent, normalement. Et c'est là qu'il a dit, comme la vaisselle, ou une hache, ou un seau, c'est-à-dire les petits ustensiles de la vie de tous les jours. Donc en fait, tout est bon, tout ce tafsir des sahaba, il n'y a pas de contradiction dedans. Quand Ali il a dit ils ne veulent pas donner la zakat, c'est dans le sens où ben, ils ne veulent pas donner ce qu'ils doivent donner, alors que c'est utile pour les autres. Et quand Ibn Mas'ud il a dit ils ne veulent pas donner les ustensiles de la maison, ça revient dans le même sens. C'est-à-dire c'est en fait c'est des radins. C'est des gens, ils n'ont pas de rahma, ils n'ont pas de clémence. Et même les choses comme ça tous les jours, ils ne veulent pas les donner, ils font des manières. Donc ça, c'est la caractéristique de celui qui ne croit pas au hisab. Donc ça montre que le croyant, lui, il doit donner ce qu'il doit donner avec bonté de cœur, sans que ça le gêne. Et également qu'il faut être facile, entre guillemets, avec ce genre de choses. Comme prêter un livre, prêter un stylo, prêter les ustensiles de la vie de tous les jours. Et ça, bah, de toute façon, quand on regarde, on remarque que les peuples d'origine musulmane, ou les, je veux dire les peuples musulmans, bah, ça, ils le regardent. Ils le font facilement. Alors que ceux qui ne croient pas ni en Allah ni au jour dernier, bah, beaucoup, parfois certains d'entre eux, simple le fait que tu tapes à sa porte, c'est comme si tu allais l'agresser. فَهَاُولَا إِلِي شِدَّةِ حِرْصِهِمْ يَمْنَعُونَ الْمَعُونَ فَكَيْفَ بِمَا هُوَ أَكْفَرُ مِنْ. Il a dit cela, ils sont tellement, مِنْ شِدَّةِ حِرْصِهِمْ, ils sont tellement avares, ils sont tellement avides, qu'ils ne veulent pas donner الْمَعُونَ. Et alors, qu'en est-il de ce qui est plus important que le ma'un? Ils le donneront encore moins. وَفِي هَذِي السُّورَةِ أَلْحَثْتُ عَلَى إِكْرَامِ الْيَتِيمِ وَالْمَسَاكِينِ. Il dit, cette sourate, elle contient le fait, elle encourage à honorer, à être généreux envers l'orphelin et les pauvres. وَالْتَحْضِيدُ عَلَى ذَلِكِ. Et d'encourager les autres à faire ça. وَمُرَاعَاتُ الصَّلَةِ وَالْمُحَافَظَةُ عَلَيْهَا وَعَلَى الْإِخْلَاصِ فِيهَا وَفِي جَمِيعِ الْأَعْمَالِ. Et cette sourate, elle nous encourage à bien soigner la prière, à préserver la prière, c'est-à-dire à la faire soigneusement, et à être sincère dans sa prière et dans toutes les œuvres. وَالْحَثُ عَلَى فِعْلِ الْمَعْرُوفِ وَبَذْلِ الْمَعْرُوفِ وَبَذْلِ الْأُمُورِ الْخَفِيفَةِ كَعَارِيَةِ الْإِنَاءِ وَالدَّلْوِ وَالْكِتَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Et dit également, cette sourate, elle nous encourage à faire le bien et à donner les choses, à donner ou prêter les choses qui sont sans grande importance, comme un seau ou comme un livre, etc. لِأَنَّ اللَّهَ ذَمَّ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. Car Allah a blâmé ceux qui n'agissent pas ainsi. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc maintenant on passe à la sourate suivante, la sourate Al-Kawthar. Ah non. En fait, le verset il dit wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila. Ça veut dire ne wala tajhar, c'est-à-dire ne dis pas à vous, ne parle pas à vous, ou ne récite pas à vous dans ta prière, wala tukhafit biha. En fait, ça part de la prière nocturne, la prière qui n'est pas obligatoire. Voilà. C'est pour ça que chaque verset, il faut regarder dans quelles circonstances il a été révélé pour le comprendre. Sinon, c'est vrai qu'on ne va rien comprendre. En fait, c'est un verset qui a été révélé à la Mecque, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire que quand il récitait la nuit, il ne devait pas réciter trop fort, et il ne devait pas non plus réciter trop en chuchotant, mais il devait avoir une voix entre les deux. Et il y a même rapporté qu'en fait, Abu Bakr il récitait en chuchotant, et que Omar lui il faisait, pas du bruit, mais c'est-à-dire il récitait vraiment très fort. Et donc Allah a récité ce verset pour leur conseiller de réciter ni en chuchotant, ni très fort. Maintenant, ça n'a rien à voir avec la prière, par exemple, du Maghrib, du Fajr. Ça, c'est clair, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il les faisait à voix haute, et c'est comme ça qu'elles doivent être faites. Donc ça, c'est spécialement pour les prières nocturnes, surérogatoires. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Donc dans cette sourate Allah dit nous t'avons donné الكوثر. إنا c'est pour insister. إنا أعطيناك الكوثر. Certes nous t'avons donné الكوثر. الكوثر veut dire les salafs ont donné deux explications sur الكوثر. C'est-à-dire les sahaba. Certains ont dit نهر في الجنة. C'est une rivière au paradis. Et d'autres, ils disaient Al-Khayrul Kathir, ça veut dire le bien en abondance. C'est-à-dire en arabe, Kawthar, ça veut dire le bien en abondance. Mais en vérité, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Le verset, il peut vouloir dire nous t'avons donné énormément de bien, et ça fait aussi allusion au Kawthar, c'est-à-dire à la rivière qui est au paradis, et au bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au jour du jugement. Parce que, dans notre aqida, dans les points de notre croyance, quand on est dans le chapitre de Al-Iman bil Yawm al-Akhir, la croyance au jour dernier, un des points de la croyance au jour dernier, c'est Al-Iman bil Hawq, croire au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce bassin, en fait, donc sur la place de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin immense, avec des vers. Et il l'a décrit en disant c'est-à-dire son eau est plus blanche que le lait, plus sucrée que le miel. Ses vers sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et donc ce haoub, il vient du kawthar. C'est-à-dire le kawthar, il est au paradis et il découle dans ce bassin. Donc l'eau du kawthar, elle sera dans ce bassin au jour du jugement. C'est le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il attendra sa communauté au bassin. Ana faratukum ala al-hawd. Il a dit, je vous attendrai au bassin. Farat, farat en arabe, c'est quand un groupe de voyageurs, ils sont par exemple une centaine, et ils envoient quelqu'un pour chercher de l'eau. Et donc lui, il les attend au puits. Donc il retire de l'eau et il les attend. Donc là, il est le farat. C'est celui qui attend, qui a été en avance pour chercher de l'eau. Donc il a dit Ana faratukum ala al-hawd. Je vais vous attendre auprès de mon bassin. Et donc il a expliqué que sa communauté, elle viendra, et chaque membre, il sera servi de l'eau de ce bassin. Et qu'à un moment, il y a des gens qui viendront, et les anges vont les repousser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Ashabi, ashabi, ceux-là sont mes compagnons, ou alors Ummati, ummati, ceux-là sont de ma communauté. Et les anges lui répondront « La tadri ma ahdafu ba'dak » Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ce « ahdafu » c'est dans le sens « commettre quelque chose de mauvais ».« Ahdafa » comme quand on a un criminel, on dit un « muhdith ». Quelqu'un qui a tué quelqu'un, on dit un « muhdith ». Ça peut être aussi « inventer », c'est-à-dire faire une innovation dans la religion. Donc on lui dira « La tadri ma ahdafu ba'dak » Donc de quoi ça parle de qui ça parle, la tadrim ahdafu ba'dak, ça peut être des gens qui étaient bel et bien des sahaba, mais qui sont sortis de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand on lit l'histoire des sahaba, il y en a eu, mais c'est pas dans les sahaba, les grands sahaba ou les sahaba connus. La plupart c'était des inconnus. Mais il y a eu par exemple des tribus qui se sont converties à l'islam au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et quand il est mort, ils sont sortis de l'islam. Donc le prophète les connaissait, donc il les verra. Et après, on va les tirer. Parce qu'en fait, ils sont sortis de l'islam. Mais lui, il ne sait pas qu'ils sont sortis de l'islam. C'est pour ça que quand il va les voir, il dira Ashabi, Ashabi. Et ça peut être aussi les membres de la communauté qui sont venus après. Qui n'étaient pas à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et qui ont inventé dans la religion au point de sortir de la voie du prophète et de l'islam. Donc, ils seront empêchés de boire du bassin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons donné al-kawthar. Fa salli li rabbika wanhar. Donc, salli, c'est-à-dire prie, pour ton Seigneur, wanhar. Et inhar, ça veut dire, c'est l'impératif du verbe nahara, qui veut dire égorger, mais quand on parle d'un chameau. Quand on parle d'un mouton, on dit zabah. Et quand on parle d'un chameau, on dit nahar. Donc c'est comme si le verset dit prie, accomplis la prière pour ton Seigneur et accomplis aussi le sacrifice, mais sous-entendu le sacrifice des chameaux. Inna shani aka huwal abtar. Inna shani aka. Shani'un, c'est celui qui déteste. Donc shana'a, ça veut dire détester. C'est comme dans le verset, dans Surat al-Ma'ida, voilà, yajrimannakum. Shana'an qawmin ala alla ta'dilu. Shana'an, yani al-karahiyya, al-bughd. Donc shana'a, c'est détester. Shani'uka, donc ici, inna shani'aka, celui qui te déteste, huwa al-abtar. C'est lui, al-abtar. Abtar, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, ça vient de batara qui veut dire qata'a, couper. Donc c'est lui l'aqta. Et abtar, ça peut vouloir dire celui qui n'aura pas d'enfant, qui sera sans descendance. Ou abtar dans le sens al-haqir, al-zaloul. Celui qui est humilié, qui est bas, qui est rabaissé. C'est le contraire de sharif, le contraire de quelqu'un qui est noble, qui est grand, etc. Donc celui qui te déteste, c'est lui qui sera humilié. Donc on va voir de quoi parle cette sourate. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه إنا أعطيناك الكوثر. Donc Allah dit au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه, c'est-à-dire qu'il lui rappelle le bien qu'il lui a fait, lui rappelle son bienfait. إنا أعطيناك الكوثر أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Donc nous t'avons donné Al-Kawthar. Et là le cheikh, en quelques mots, en fait il a regroupé tout le tafsir qui rapportait des salafs, c'est-à-dire des sahaba et des tabi'in. Il a dit, nous t'avons donné Al-Kawthar qui veut dire le bien abondant, beaucoup de bien. Ou Al-Fadlul Ghazir, et une grande grâce. Dont fait partie le Kawthar qui est la rivière du paradis et Al-Hawb, le bassin au jour de la résurrection. Donc il nous montre qu'en fait quand certains ils ont dit Al-Kawthar ça veut dire beaucoup de bien, d'autres ils ont dit le bassin, c'est pas une contradiction. En fait Al-Kawthar ça veut dire beaucoup de bien et ça veut aussi dire dans ce bien il y a Nahrun Jannah, Nahrun fin Jannah, une rivière qui vient du paradis et qui descend dans son bassin auquel il attendra les gens au jour de la résurrection. Donc Allah a dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui rappeler son bienfait. Aussi il faut comprendre que ce verset il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca. Et donc c'est dans des périodes où le prophète il souffrait beaucoup et donc devant lui il avait les tyrans de Quraysh qui étaient des gens forts, qui étaient des gens puissants, des gens riches et qui humiliait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc Allah lui dit, alors qu'il est dans cette situation, inna a'tainaka al-kawthar. Nous t'avons donné al-kawthar. C'est comme pour l'aider en fait à supporter tout ça, pour lui faire penser à ce qu'il va avoir dans l'au-delà, pour lui montrer que tout ça c'est seulement passager et ça va durer un temps seulement. Là il a parlé un peu de l'hawb. Qawluhu shahrun wa 'arduhu shahr, ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban. وأحلى من العسل آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. Donc il a dit à propos du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est rapporté dans les hadiths, il fait un mois de longueur et un mois de largeur, c'est-à-dire un mois de voyage, ça c'est la dimension, et ses vers sont aussi nombreux que les étoiles, c'est-à-dire sont comme les étoiles dans leur nombre et dans leur lumière. Celui qui en boit une fois ne connaîtra plus jamais la soif. وَلَمَّا ذَكَرَ مِنَّتَهُ عَلَيْهِ أَمَرَهُ بِشُكْرِهَا فَقَالَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ خَصَّ هَتَيْنِ الْعِبَادَتَيْنِ بِالذِّكْرِ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَاتِ وَأَجَّلِ الْقُرُبَاتِ. Donc une fois qu'il lui a parlé de son bienfait, maintenant il lui a ordonné d'être reconnaissant pour son bienfait. Et il lui dit donc فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Fais donc la prière pour ton Seigneur et le sacrifice. Et pourquoi Allah a parlé seulement de ces deux-là dans ce verset, la prière et les sacrifices ? parce que ça fait partie des plus grandes ibadat, des plus grandes pratiques religieuses. ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية. Il dit la prière, elle contient un khudu', la soumission du cœur et la soumission des membres du corps à Allah. Et elle fait progresser le corps et le cœur dans les différents degrés de l'ubudiyya, de la servitude à Allah. وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر وإخراج المال وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. Et le fait de sacrifier, le fait de faire des sacrifices, c'est se rapprocher d'Allah en sacrifiant les meilleures bêtes à sacrifier, c'est-à-dire en l'occurrence les chameaux, les bêtes les plus chères. Et donc ça consiste à donner de l'argent, à dépenser des choses qu'on possède. Alors que l'être humain, il est naturellement avare, il n'a pas envie de donner ce qu'il possède. Donc c'est pour ça que c'est une grande pratique culturelle, parce que c'est un grand sacrifice, c'est sacrifier quelque chose qui est cher pour toi. Inna shani'aka huwa al-abtar. Donc pour le verset précédent, fasalli li rabbika wanha, certains sahaba disaient, ça part de la prière du Fajr qui est suivie du sacrifice quand on est au pèlerinage le jour de Mina. Donc fasalli li rabbika, c'est-à-dire la prière du Fajr, wanhar, et fait le sacrifice du Hajj, al-Hadi. D'autres ont dit fasalli li rabbika, c'est la salat de l'Aïd. Wanhar, c'est-à-dire al-Udhiya, le sacrifice de l'Aïd, qui est le même jour de toute façon. Et donc ça, c'est pas faux. C'est-à-dire le verset, il peut être une allusion à ça. Et l'imam At-Tabari, rahimahullah, il disait, en vérité, Allah, il n'a pas précisé. Il a dit, fasalli li rabbika. Donc ça englobe toute la salat. Et ça montre que la salat, c'est une reconnaissance envers Allah pour ses bienfaits. Wanhar et an-nahar, également, ça englobe tous les sacrifices. Mais il n'y a pas de mal à ce qu'on y voit aussi une allusion au sacrifice et à la prière de l'Aïd. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas dire le verset, il parle de salat l'Aïd. Non, le verset, il parle de la salat en général. Et dedans, on en comprend aussi salat l'Aïd. Inna shani'aka ay mubghidaka wa dhammaka wa muntaqisuka, en fait, parce qu'il est en dessous, j'arrive pas. Wa muntaqisaka huwa al-abtar, ay al-maqtu' min kulli khayr, maqtu' al-amal, maqtu' al-dhikr. Donc celui qui te déteste, celui qui te blâme, celui qui te critique, huwa al-abtar. Al-abtar veut dire al-maqtu', c'est lui qui est coupé, c'est-à-dire coupé de tout bien. Ses œuvres sont coupées, c'est-à-dire quand il mourra, ses œuvres, elles n'auront plus aucune récompense, plus aucune incidence. Maqtu' al-dhikr, ça veut dire, et on va plus parler de lui, on va plus parler de lui en bien. Sa mention sera coupée. Ce verset-là, en fait, à quoi il fait allusion? Parce que vous voyez, le Cheikh Saadi ne fait pas beaucoup allusion à ça, à ce Bab al-Nuzul. Lui, vraiment, il résume. Mais c'est intéressant de voir dans la Sira le rapport entre la Sourate et la Sira. En fait, c'est parce que il y a plusieurs choses qui sont rapportées par rapport à ce verset. C'est parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand son fils est mort, quand il était à Mecca, quand son premier fils, donc soit Abdullah ou Al-Qasim, il est mort, certains des mécréants de Quraysh, ils se sont réjouis. Et ils ont dit, innahu abtar, il est abtar, c'est-à-dire il n'aura pas de descendance masculine. Alors Allah leur a répondu, inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te déteste, c'est lui l'abtar. Mais pas abtar dans le sens où il n'aura pas de fils. Pire, c'est que lui, il sert à rien, c'est-à-dire il est coupé de tout bien. Et quand il va mourir, on ne se rappellera plus de lui. Même s'il a des enfants, mais au contraire, les gens, s'ils se rappellent de lui, ça sera pour le blâmer. Donc ça, c'est rapporté de plusieurs personnes. Par exemple, également, il y avait Al-As ibn Wa'il al-Sahmi. C'était le père de Amr ibn al-As, qui est un sahabi, radiallahu anhu. Son père, Al-As ibn Wa'il, c'était un des grands ennemis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, il a dit, « Inni shani'u Muhammad, fa innahu abtar, Allah wa abtar. » Un jour, il a dit, « Je déteste Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et il n'est qu'un abtar. » Et donc Allah lui a répondu, Inna shani aka huwa al-abtar. Celui qui te déteste, c'est lui, al-abtar. Et d'autres ont dit par rapport au fait que ses enfants y mouraient, huwa abtar. Donc tout ça, ça revient un peu au même sens. C'est qu'il disait lui abtar. Soit pour le négliger, parce que abtar, ça pouvait vouloir dire également, il est coupé dans le sens où c'est un, on l'a rejeté, on l'a mis à l'écart dans notre peuple. Ou alors abtar dans le sens où il n'aura pas de descendance. Donc Allah, dans tous les cas, il a englobé tout ça en disant « Inna shani'aka huwa al-abtar ». Celui qui te déteste, c'est lui, al-abtar. Donc ça, c'est une règle qui reste bonne jusqu'au jour du jugement. C'est pas que pour Al-As ibn Wa'il ou Uqba ibn Mu'ayd. Ça, c'est vrai pour tous ceux qui détestent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'entre eux, il sera abtar. Wa amma Muhammadun, sallallahu alayhi wa sallam, fa huwa al-kamilu haqqa, الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع. Il dit alors que Mohammed صلى الله عليه وسلم, c'est lui l'être humain complet, être humain aussi parfait que l'être humain puisse être. C'est lui qui a, رفع الذكر, c'est-à-dire dont le nom est vénéré, c'est-à-dire qu'on se rappelle de lui, on dit du bien de lui, on dit صلى الله عليه وسلم, on étudie sa vie, on fait ses compliments, on fait ses éloges, etc. وكثرة الأنصار والأتباع. Et c'est lui qui a beaucoup d'adeptes et beaucoup de gens qui l'ont suivi. Donc eux, ce sont eux les abtar. Quand on parle de Uqba ibn Abi Mu'ayt, quand on parle de Al-As ibn Wa'il, c'est que pour vous dire les tyrans de Quraysh, les méchants de Quraysh, etc. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au jour du jugement, les gens ils disent de lui, sallallahu alayhi wa sallam, ils étudient ses hadiths, ils étudient sa vie, ils le suivent, etc. etc. Donc on s'arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين